faire ta fête sans détour. Montre donc ta tête au grand jour, car rien ne m'arrête, je reste sourd à tout ce qui peut m'empêcher d'exister. Te dis franco ce que je ressens, je suis plutôt réglo, pas patient. Je ferai pas de cadeau si tu te défends. T'as pas intérêt à tirer pour tuer. Je compte jusqu'à 3, c'est ta chance. Vas-y, montre-moi. C'est parti, tu vas mal tourner, je te le dis. Ils vont te coffrer sans sursis. Je te donne pas 2 jours pour être sous les verrous. Tes yeux de menteur te perdront. T'es pas un tueur, fais pas le con. Pas vraiment joueur, suis ma leçon. Cherche pas la bagarre, tu pourrais prendre un coup. T'as le verbe haut, mais tu fais pas mouche. Face à tes rivaux, tu te couches. Au moindre bobo, tu bottes en touche. Au lieu de te battre, tu lances des cailloux. Tu sais que je suis mauvais dans l'âme, tu sais, je suis la haine. Je suis vraiment la mauvaise graine. Et j'implore le monde de m'aider à savoir qui se trompe. On dit que le ciel est la limite. Joue avec le feu, mais pas trop vite. On est des seigneurs.